بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي علي الحرازم برادة ناقلا عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في شرح الصلاة الغيبية في الحقيقة الأحمدية من كتابه النفيس جواهر المعاني وبلوغ الأماني ومنشأها أصلان الأصل الأول هو مشاهدة الحضرة القدسية بعين العيان على ما هي عليه والأصل الثاني محبة الذات المقدسة لذاتها لا لعارض غيرها والأصل الأول هو الذي يقع عليه الأصل الثاني وإلا فلا إلى آخره كن في نيامون تي جوتاي بي ويسو غيسون نانيو تي يو مانام تي حال ييغا خامني ولا man ak jappandal gi nga xamantene mom muy sax wala manam dal ci mana bobu lañu ak arif yi seen dugg way après amon nañ ben xéetu digression buñ defoon ci walu bëd bi ngay wara xolé manam mindeefu yalla yi de manière générale wala ak surtout ñi nga xamantene ñoy njabote yent bi sallallahu alayhi wasallam manam julit ñi lañ ci la ci djublu sino mindeef yépp njabote yent bi lañ sallallahu alayhi wasallam ak ñi nga xamantene ñom ñoy njabot ci rahmat tiyabi radiyallahu anhu wala nabi anam bu bi ngeen di xolé ne seen maqam mo seen maqam serif wala motax leg leg sax ñuy am lo xamantene haqiqatan ay awliya yu maga mag ñi ngi fi me amuñu ko motax d'ailleurs motax mu ne yawmal qiyamati buñu gis nga mu ne bu wali gisse liñ jox aqtab yu magi qutbu yu magi buñu gisse liñu jox wa salat fatih manam moy si rahmat tidiane radhiyallahu manam moy talib cheikh mtidiane radhiyallahu dañu joy ne yalla yow ndekete joxuñu dara wala te yoy non da ngay gis mu amna ay ki ci aduna bi ni moy lu dama nek par exemple le fait que ñuy nek ak yentibi sallalahu alayhi wasallam tous les jours dinañ tok ak yentibi sallalahu alayhi wasallam lu bon ben yon manam suñu wëjiba et cetera hadara bi mom de nga buñu tambalé lañu nek ak mom ba hadara bi jeex et cetera bu fekkante dañu wëjifa après dañ fay tok manam ba buñu julli timis ba paré iman kon buñu wëjifa wat dañ fay nek manam buñu takalé ko ñoom voilà lan moy manam té lolu talibi tidiane yépp la man amul ben talibi tidiane wëlliss menen bi manam talibi tidiane yépp buñu tous les jours ndax seen wëjifa bi jawatu kamane jang moy waral lool ak hadara bi non té lolu hatta wa diwanu salihin ñom amuñu lool diwanu salihin amuñu tout temps yende bi ñew toog ñom allah salam manam ñu fekke sa jotay manam lool nak bokul ak ñi nga xamantene ñom fuñu nekk yent bi da fay nekk sallallahu alaihi wasallam et cetera manam voilà yoy ay ngeenel lay xamantene té lool xam nga mo upp doole wax deug yalla lolu mom mo upp doole et cetera té loolu manam loolu ben la exemple la ci yeneeni yi ak yeneen ak yeneen manam dal ci gattal nit ki mën na lo upp peut-être manam maqama ci zahir manam parce que nim koy xotté la ak limi lambol yépp ni fekk buñu xolé ci deug deug ci batinu mbir mi manam kenen ki mom mo upp la wala ñu xolé parce que buñu moy ci maqam serignum lay do lay taxaw ci bur lool ngay gis yenen ti yalla musa sallam bi ñaan nek simple mamba ci xéetu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam manam baña nek yenen to baña nek dara andak nek yenen ni mu ngandé ak ni mu amé solo ak ni mu maggé ñu doon mebet baña nek sax yenen faf nek bi wane nek benn membre ci man ci njabot yenen bi sallallahu alayhi wasallam manam bok ci julit ni nek julit simple bu amul benen maqam bu dul julit té bo xolé so xolé yoyu yépp day waral day wone manam né té pourtant yenen ti yalla sallam ñu dëng di wax né ñom ñoy suñu ay sang ñom suñu kilifa lëng nangam nangam niki nonu bëtt bobu la yélo ñu xolé ko su yenen walu manam ñu xolé lañu bëtt né ñom ñoy suñu kilifa ñom ñoy suñu ay sang ñom ñoy ñi nga xamantene ñom ñoo tax ba mbir mi yexi ci ñun ñom ñoy ñi nga xamantene deug ñom xam liñu xam suñu borom ak li nga xam mom lañuy mos ci ay xéeti lèr yu ci seen borom suñu borom subhanahu wa ta'ala ak ay secret ak ay haqaayiq ak yu mel non ñun xamuñu ko jigi wuñ ko laaluñu ko seenuñu ko seen gëneel ci suñu kaw dafa lèr mi jant bi manam diggu ndolor mais que suñu gëneel sëriñ nak tax nak ba ñun ñuy mëna nek fo xamantene ñom duñ fa ñu fa nek comme li nga xamantene exemple buñu faral di joxe bi señ jëgëm joxe won waxon ci walu bobu buñu faral di tuddu moy ne buñ paré Marseille TGV buñ ci duggé hein TGV wi muy duggé paré wara dem Marseille lire bi nga xamantene day ram ak champion du monde wi ñom ñaar ki nga xamantene mom moy lire bi le fait que mu nek ci bir TGV bi buñu départ wonde ki nga xamne mom moy champion du monde bi taxaw ci biti ñu wara daw rawante kuy jitu Marseille lire bi mo jitu pas parce que lire bi dakk daw mais parce que limu dugg mo gëna gaw voilà tout simplement donc té mo gëna gaw té du sonno comme ni et cetera voilà donc lolou la ci buntu bobu ci le talibé cheikh yi wala amé ngeenel bi ñam comme djulli ñi amé ngeenel bi ñam par rapport ak yeneen xéte voilà voilà comme ni ko amna ci xikam yi rubba umrin ittasa'at no qalla a'daduhu wattasa'at amdaduhu voilà beuna ad dundu go xamantene manam limu dundu gi dafa touti mais marab yi nek ci bir mouray wa idha wajjahaka Allah bil inaya tasilu fi aqsar al umri al ghaya lolu moy ci mom la sherif bi radiyallahu anhu mujjé bind ci haaj bu ndeuk bi ci kunuzul haqaqi moy bi muy wax ci lolu manam moy parti bob moy bu fekkete ne yalla dafa japp ndabal manam bu djublu ci yow li nga xamne mom moy ak japp ndal al inaya moy ak japp ndal di nga ag ci lu gëna gatt ci dundu ci taabu gatt di nga ci ag ci njombortal manam extremité mbiri voilà lolu la ko manam voilà lolu moy té voilà expression bob motax ci fuyu daf ilahi yi mo don dajale ci kiyum bob moy ki bi ci mujj moy haqiqa bi ci mujj voilà donc té lolu bok xolé da ngay gis né manam lolu mom la tuba bi di wax nan au zambienne la valeur n'attend point le nombre des ans voilà manam dans une certaine mesure quoi ci wax do dans une certaine mesure ala kul hal kon legui lolou bon defon nañ ci ben digression ci buntu bobu en tout cas liñu wara xolé beut biñu wara xolé minde fi bëgg giñ leen wara bëgg ngir yalla mi leen bind ngir yentou sallallahu alayhi wasallam mi seen kilifa ak yitte bi mu amon ci ñoom sallallahu alayhi wasallam ak bi mu am ci ñoom voilà et cetera légi manam jappandi gogou nga xamantene mom la nit ki ak tadjali ya ilahi di ñew tout temps muy jakarlok mom ba paré am ci ben mémise am ci ben stabilité ci situation bobu ak lèr yi manam ni ñi waccé ci mom ak ni ñuy baré mais malgré lolu yépp ak manam muy tout temps muy jël manam muy mënd di soppi soppeku di top li nga xamantene mom la mbir yoy yépp andak ak ci ay téggine hein ak ay ak parce que lolu tamit tadjaliyat ye xétu lèr ye xétu may yalla dox nit ku kenn ku ci nek dafa am ay téggine yu mu lambol ak ay ci wala daf lay jox borom subhanahu wa ta'ala daf lay jox ben jama ni nga teye ko su fekenteene teye wuloko ni nga wara teye mu nanguko parfois du ko nangou rek yam ci ni bu ko nangou daf la ci bolel am be voilà c'est ça non lañu doxal ak ni nga xamantene sa monté wuñu ak hakum yi ñu yor ak teggini amuñu teggine par rapport ak lool lool motax li gëna mag li nit ki di ñaan li nit ki wara laacc mo teggine voilà amna tamit imam ibnu ataila rahmatullah alayhi mu wax ci hikam yi suma juumul dani la tastaghrib wujudu talab walakin no dana la taqlub wujudu talab walakin talab wala bok ta'khuru talab la tastaghrib ta'khuru talab walakin tastaghrib ta'khuru ki wujudul adab xet wax ju mel non dal la wala manam dal ke ni bul ne par exemple man li tax limay wut ba legi jotaguma ci manam lolu bul ko def problème amna ci amna fenen sax fu mu waxe wax du ko gëna jégué bimu nan bul sakku dara manam bul def sa yitté sa préoccupation bu mu né li may sakku li la bo sakku dara xolal téggini lolu wara andal rek nga yow nga wut téggini yoy parce que ñom ñaar ñoy and parce obligé manam yow bul né way man dé nangam bo ba légui nangam jotuguma ci bul wax lolu parce que lutax parce que tout simplement néel légui yow au lieu ngi poser question bobu poser sa question manam renverser ko tourner ko néel c'est parce que téggini la amagul c'est parce que téggini la samonté wul lool la c'est à dire que dafa am ay téggini mu sax yu mo wara samonté lool nak ñu bari dañu joom ci buntu bobu dañuy bëgg di yootu lo xamantene ak di am lo xamantene mais téggini mu wara andal amuñu ko voilà fof erreur la ñu yu bari motax même buul def sa xel ana lan limay wut kañ la ci jox ak ma ngi wut nangam buul def sa xel lool parce que lool du problème lu yalla di joxe day may la yu muy joxe soxlo wu da koy joxe mais dafa leuk du ko leuk lek ay teggine yu mu wara andal voilà teggine nak ay façon la mbolé mi ñi wax lool moy teggine teggine du comme wolof ñu déggé teggina wolof ñu mom buñu né teggine moy ko xamantene day tok nopi du wax dara après même buñu tiaxan manam buñu tiaxan sax mu tok rek japp ci tiaxané wala du ci am benn ki wala buñu daanel deug buñu mabal deug mom mu japp né manam mu nopi wala du ci wax dara parce que aussi lool la japp né moy teggine wala yu mel non alors que teggine du lool teggine moy li nga xamantene moy li nga wara def manam li nga xamantene mom nga wara sa montel ci moment bu nek lan la la ci borom bi laaj lan la borom bi soxla nga doxale non lool moy teggine pa comme wolof ya ni wax parce que même ci sharia sax subhanallah même ci fiqh sax ni wax teggine boko inde ci haqiqa du ben même ci fiqh rek li ñu wax teggine fiqh bu ñu waxe bo xolé buntu yi ñu wax ci teggine ci fiqh yépp ay adabu ta'am adabu nawmi adabu libasi adabu yoy lañu wax teggine ay teggine nan lañuy solo manam loy boy sol lan nga war manam moy ndax da ngay wax bismillah tank ndey jor bi nga wara jëkke ak yoy lañu wax teggine boy lek loxo bi nga loxo ndey jor nga wara jëk nga wara duggal waro duggal chamon ak nga wara wax nga wara tuddu yalla ak ñaan gi nga xamne mom ngay tambale bis lan allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adhaban nar bismillah di lek tamit nga lek ci sa kanam comme li yenté bi sallallahu alayhi wa sallam waxon voilà kul mimma yalika sammillah ya ghulam sammillah وكل مما يليك وكل بيمينك والبقالة يا غلام سمي الله كل وكل بيمينك وكل مما يليك لنجا دونك يوي ييب اك خير يو مل نونو بون يوي لا نيي واخ تيغ نيوم فك فك فك بو نيي واخ تيغ سي لول داك لا نيي واخ alors que boudé ci buntu tasawuf du lol lañu wax téggin buntu tasawuf bu ñu wax téggin du lol dé lolu benn partie la ci téggin mais yeneen xéet yi ci dess yépp ay téggin la manam bolem sharia bi liñ ci doxal lol téggin lañ ko tudé amul leneen lu dul téggin manam bolem ba paré ci ñoom xam nga boudé ci fekk téggin yi su bërna ci yo xamantene du farata mais boudé ci haqiqa téggin yi lepp ay farata la ba pare ñom li ñu wax teggine moy li nga xamantene moy comportement bi yalla laaj bi yalla soxla ci yow à l'instant t loolu lañ wax teggine waaw nga wara doxale non ñom loolu lañ wax teggine mais waxu ñuko comme ñun wara fi ñuy waxe ndeysaan diw dafa bari teggine dafa am teggine ndeysaan loolu ñom mais en voulant dire que ni dafa yaru da alors que voilà parfois liñ wax yaru sax lolu ci jëmmé bopam mëna nek contraire yaru parce que yaru selon ki nga jakkar lolu la lay la nga jakkar lolu nit ni ngay doxale ak mom lolu nek yar alors que bu doon keneen la ni ngay jakkar mom lolu bo doxale ak la même chose ak koku day nek yaraliko yar ci selon ni ngay doxale la ak ki nga jakkar lolu la wala su fekente ne da nga jakarlo ko xamantene mom dafa xamul mu def lu jaadul nga djubantiko ak tey ak ndank ak ki lolou moy ya mais ki nga xamantene dañ ko téré wat ko comme ni ki defon dextan Hazrat Ibn Yaman radiyallahu anhu lolou bo fofu lolou mo jaadul dafa ñew may ma ndox dextan dem indi dextan moy ko monsieur le maire ñew indi ki bi ci or ndax ci or indi ndox mu jël ak lepp xañ ko ci mbolo mi ñepp dafa andon ak ay kiyoma me da ko xañ parce que xamne ni da moko tay wax nañ ko ko waxat ko nangul deg mu xañ ko te pourtant ñun ni ñi comparé dañu japp né ki dé xeyna téggina manké na par rapport ak bu doon kenen alors que lolu moy jëmmé téggine jamono joj et cetera manam hein voilà djéggelé djëlélé baña bayyi xel manam nit ki xeyna doxale nu mu warul doxale mais nga won ko ne ko amul ben problème manam wonoko sax ne ko affaire bi touché na la lum touti manam du ko xam ci sa gis ci sa xol ci sa waxin ci sa doxale lol day am fo xamantene lolou moy jaaru te lolou moy teggine lolou ci de manière générale lolou moy teggine manam nit ki même bu la toñi def la injustice bi gëna mak wala yoy nga agréable voilà ak mom de telle sorte que du xam sax ne yow yek ngeene togn na la lolou de manière générale lolou moy tegg mais amna ci cas de figure yo xamantene lolou du tegg de parce que lolou motax yoni sallallahu alayhi wasallam waxone ne nañu manam mënef nako tuddé embargo manam bu kenn waxati bu kenn deflanté ñi nga xamantene ñom ñoy ñett pourtant ay julit lañu gëm ño xamantene comme le alfa wa ala salatati alladhina khulifu voilà hatta daqat alayhim al-ardu bima rahabat moy ñett ñoon nga xamantene après mu ne summa taballahu alayhim liyatubu manam ñet ñooñu nga xamantene ñoom dañoo déssone ginnaw ci xarata bu manam ngir négligence bi xex bi ci bi ñëwé hmm wala yentim sallam doxé ordre bu kenn waxati ak ñom kenn doxal ak ñom bu kenn jëflanté ak ñom manam ñu yëk ni wala fi nak li mom moy téggël gisulo xana biñu tollé ci muqaddima introduction téré bi remax laaj bi dañ né bok na ci yok ngëm yalla moy adamul ghadab mutlaqan ñaka mer ci luñ doyal manam do mer mukk mune illa li haqqin shar'iyyin ha par contre budé akku shari'a mo taxaw nak da nga wara mer fofu ñaka mer mom du téggé bo merul c'est parce que amulo téggé té il faut nga mer bu ñepp xamné mer nga woné sa tangor lolu moy téggim fofu ngay fi mal yimani mom la def ak ah kay odela par contre boudé kaw kaw bi mu ñew tour ndox no kopp dédé téggen bi moy mi yentu sa sa baxalé kay ñu ki gis ko fi ni jakkalu tuddu li jakkalu tuddu dafa am orme bu mag dañ ko tabax pour bi julli di tuddu yalla ak di jang alcorane li motax ñu defal ko voilà exactement que dañ ko ko répéter téggine bu mag bi moy do samontel nan lay nit ñi di gisé yow li ngay wax ak li ngay def amu waro samontel lool moy li nga war ko la croix ngui koy ko dañ ci def croix manam da ngay julé ñepp niw xam nga niw julé niw xam nga lu muy tégg wala lool ngay def croix sa xol warul prendre en compte gis gisu kenn ku dul bu yalla subhanahu wa ta'ala non la ko nit ki dedet leg leg te lolou leg leg da ngay gis yalla ñu yalla sama nasallahu salaamu wa afiya wala fu wa mu'afata da'ima fi din wa dunya wal akhirah subhana rabbi allah allah manam pour ngi gis ki bobu ni mu xawé jafé ni mu problématique da ngay gis mbir mo xamantene dañ nan masalan manam digelu serigne la serigne bi la serigne diw mo jox digel ci nangam wala bok tout simplement joxewu digel mais dafa am lo xamantene dal yow da nga nek ci service wala même budul lolou am lo wara def te yalla rek wara tax dal mais que voilà nga war ko formal war ko jox geud war ko jox war ko defal manam war nek ci service am ci xidma wala yu mel non nekku fi nga yox yox bu fi nekke nga sawar yalla taxul même mom bu contane parce que xamul li nga def geureum la sax yalla geureumul yalla geureumul de geureumul serigne dañ koy wut ngir geureumal yalla mais mom ci jëmmé bopum du mom mo am solo voilà même mom bu contane indi sal mom non yalla contane lol motax ngay gis ñaari nit nek ci kanam ci ben serigne ñom ñaar ñepp ñuy liggey di def effort yu bari ngir contane lo serigne bi ñu nek ci di def manam li nga xamne serigne bi xamnañ ni li la bëgg même bu dé jaamu yalla la même bu dé liggey la ci tolu l'islam wala ci tolu tariqa parce que serigne bi lolou la bëgg lolou koy contane lo ñom ñaar ñepp ñu nek diko def kenn ci yegg kenn ci yeggul fenn lutax parce que kenn ke bimu koy def daf ci amone sincérité yalla la doon xol nan lay xolé xolam kenen ki ci dess andul ak sincérité andul ak deug tout simplement voilà lolou motax l'imam ibn Atala la batay rahmatullah alayhi min koy wax mais buy pa du ci hikam yi yakana ci lataif minan la ci lataif minan rahmatullah alayhi muné radiyallahu muné bul xol serigne bi ban beut la lay xolé manam bul né ndax man ma ngi ci xelu serigne bi wala ma ngi ci xolu serigne bi bu ko préoccupé wul ndax yow nan la serigne bi nek ci sa xel ak sa xol préoccupé wul ci lolu lolu mo am solo nga fe li am solo moy lolu du contraire té lolu ñu bëri dañu am dañu déssé xamé lolu ñu déssé xamé lolu pour ñom li leen serigne bi di gëna fonk di gëna bëgg di gëna ki rek ah très bien ñun ñu alors qu'en réalité ñaar mën nañ fi nek ki le serigne bi gëna bëgg mais ki mo gëna bëgg serigne bi ki gëna bëgg serigne bi moy gëna jarignu voilà ki mo ëpp limuy def ci biti ni mais limuy def ci biti yépp da ko naw wala daf koy def ngir serigne bi wax ni hé est ce que diou di jambar la ci dess limuy def mo gëna touti mais dafa deppok li nekk ci xol ci digeentem ak boromam moy gëna jarign man dal luñ ci djublu moy teggini dal mom mo upp solo samonté mu maqama bu nek dafa laaj ay teggine té attention amna lo xamantene bu ko policier defé taxuko graw trop wala bok gravité bi mu am ben degré bu ndaw mais suko ministre de l'intérieur defé ñu de choix de suite le suite ñu wacc ko wadal ko waawé té pourtant ci même ci bi la voilà on fait quitter son poste comme yakarna ci jotay rimahi la wala xéna ci tafsir wala en tout cas amna ci yenn jotay ñu ko tax yakarna ci jotay rimahi la peut-être exemple bu moy man soo bourlé transport contrôleur japp ma bindal ma lan kon PV waaw bu def ben actualité ça ne fait pas l'actualité d'ailleurs citoyen lambda voilà mais un député wala maire deuk bi wala ministre dem bourlé transport public ñu japp ko à ça fait l'actualité du jour et télé yépp mom lañuy def affiche ñepp diko waxtane et que dañuy déchoir wadi dañ koy daré le mabal su fekkenté né yorul mandat wu bo xamné suffrage universel la té budé lool la sax da ngay gis ñepp dañ wax bam démission ah oui et que dañ nan na joxe exemple wala nañ ko décevoir ki nan nañ ko daané rek yoy voilà c'est ça donc loy gën di yi ci maqama yi téggini nga wara samanté di gëna corsé di gëna deugër arif billah bi nak yoy la wara di samanté et que fu muy gën di dem muy wara di gëna samanté ak yeen téggini am yo xamanté dootako bu defati am yo xamanté dootako xalaatati xalat waxuma la wax wala def xalat rek amatul droit defat ko wala sa wala amatul droit bi droit wo def nek diko xalat waxuma la diko def ya non metti na ba bañen def bi encore sa way bañ ko xalat amatul droit bi amatul droit nek xam nga nit ki day yegg fo xamantene amatul droit xelat xelam di dem ci leneen lu bokut ak yalla nu manam tok ben moment bu muy xalaté mbé yeneen mbiru yu amatul droit tout temps da war nek ci mushahada da jakarlo ak yalla tout temps eko te jand yaab yi ñew yépp mu mat mu xam lan la yalla nam ci tajalli bi mu encaissé ko ba para samou te teggu ñe ci war tout temps lolu lolu awliya yi dañ am motax ñu am xam xam bu ñu tuddé ñom elmul waqti elmul waqti la science du moment voilà bokki ka science yi ah ya ka ma ko Allah 421 wala elmul waqti c'est-à-dire que waxtu wu ne dafa am lu yalla bëgg ci man ay aq yu may laaj aq yoy bu waxtu wi jalle day am benen waxtu bu ñew am yeneen aq yu ci war ce qui fait que aq bi ma manqué il y a une minute c'est bon je l'ai perdu à jamais lo tax ñu wax na arif billah bi su djublo ci yalla pendant téméré at wala 1000 ans wala talib bi sax talib bi su djublo ci yalla pendant 1000 ans mu gestu ko ben ciers limu raté mo upp doole ci ciers bobu mo upp doole limu jotto na am Voilà. Alors, dede dul walde subhanallah rabbi nakala ala da'a umrun wala ala da'a umrun sa'atun minhu tishtara dinil is-sama wal ard on ard ayat bay'ati okay jazakallahu khairan okay voilà voilà que dafa am ci dundu da fay sanku manam ada umrun sa'atun minhu manam ala yego mo yegal ala wawe oh la la da'a sankuna umrun ak dundu wo xamne sa'atun minhu ben waxtu su ndaw ci dundu gogo tushtara def nako jende bi mil is-sama wal ard ci lu fess asaman ak souf buñ delon or sa tek ko asaman ak souf yep ñu sank or ben waxtu su ndaw soso bu ko mat manam munu ko jende ayyata bay'ati manam façon tiankute gi mo garaw c'est à dire que perte bima perte sama temps dafa garaw parce que tiers bobu temps bu ndaw bobu li nga ci accumuler ci perte la manque à gagner bobu dafa ri parce que lutax parce que li ngay jotta am yépp boko bolé ba fi li moy gisone nango maqama yi loy gën di dem maqama bi nga romb day melni tok ndox ci geej par rapport ak maqama bi nga ne ci ay haqaay gi ngi découvrir ay secret leer yi wacc yow fiou daté et cetera donc lool la soko manké ben so manké tégnim jamono jodi ak akki rek ben moment bobu rek li nga ci perte parce que après da ngay djig dem benen maqama and ak ay manquement yi nga xam tane ñom ñoo nekkon ñoo la dabon feul te yoy do tok mu dara rafé ci abada da lay top ci sa yoon bi yépp loolo tax ci jotaay bi amna benn jotaay bo xamantene insisté won nañ ci lool ci walu lool xépp téggin yoy il faut pas ngay gis ñi la fété kaw and ak mu leer na ni ñi ñoo la raw ci walu yalla sax ñi sagane yeen mbir yi ci walu yalla nga diko sagane comme ñom ni japp nañu comme ñoma raw ñing koy sagane grawul dedet parce que manque la bo xamantene ñom ci seen bop biñuy jigé fi dem fenen manam dañu yobale lakine yoyu et que yow ci sa bop bo defé ni ñom da nga yobale lakine yi comme ñom il faut pas nga def comme ñom yow boy dem del voilà moy joxé nañ exemple élève bi nga xamantene voilà dafa am ay lakine fi bi mu nekké CI bu démé CP lakine yi da ko yobale and ak yegna bu démé c'est au fur et à mesure day am ay problème tout le temps comme 10 hein comme moins 17 voilà ko am voilà exactement kuy dial tout le temps 10 voilà kuy dial tout le temps 10 am moment day am ay lacune lacune yu metti metti voilà et cetera c'est que à un moment donné buñuy falé ci dara par exemple ki nga xamantene moyenne 10 lay am durant tout son parcours ba yex par exemple terminal mu am par exemple ben concours bo xamantene ci sur moyenne lañuy xol ki daan am 17 ba fofa ko buñuy jël ko lañuy jël ko lañuy jël ce qui veut dire que ké mom jappon na ni wañi wuko dara mais biñu démé ba fofu nga xamantene leg recrutement dafa am ci lay gisé ni en dégg affaire bi wañi won nako dara leleg bari no ñuko yox oh sama moyen 11 bi bu amone seconde mom ak yakal hein mu deug voilà 11 bi mu amone seconde ko moma yakal non fofu il suffisait que mu am 12 rek voilà parce que final bu ñu orienter mo li la bëgg voilà il faut le 12 lañu laat minimum voilà voilà école bi buñ may jël 12 lañu voilà école bi buñ may jël ci ligne voilà lool nak dafa lool nak ci yoonu arif billahi daf ci am aussi ci yoonu arif billahi daf ci am donc yoy yeb voilà moy ñi gëna mat nak motax lool mo motax il faut nga def lool bo bëggé mat teyel sumay yantim sallallahu alayhi wasallam moy ci bu baax bu mu dëgg voilà comme ñu ko waxé عبدوا عليها بالنواجذ voilà نعضوا عليها بالنواجذ مثلما به قال في الإيصاء نظرة هاشمي voilà نيم تاي مي خم يان بي صلى الله عليه نانكو ماتي اك سي دغي مولاي نانكو ماتي اك سي دغي يان تو صلى الله عليه ثم نون sunna yantib sallallahu alaihi wasallam fokk samonté mom kou la gëna dakk samonté sunna ci njaal ba neem ci njaal be neem mo lay gëna yegg mo lay gëna fenkale ak mucc c'est plus accompli voilà moy gëna mat même afraad est ce que xam différence bobu amna ci afraad seen digënté parce que afraad yi ñoom bo leen xolé ni ñu mel bo wax nañ ci wax ci wax ci waxati mais bo xolé ni ñu mel côté bobu yépp ñoko nu rolé mais ñi gëna mat ci ñoom après ñoom dañ leen di wacc wat comme seen début manam dañ leen di wacc wat pour ñu dem jariñu nit ñi amaran nabi imamuna bi tanazzuli li ifadatil khalqi bil wirdil jali wala mo reen sa sam di cheikh mu ci jalla daan delu ci wax nga jariñ minde fi mo ra yerente ya ali musa sallam ñoo gëna kaw maqam mais dañoo waccat pour jarim ñu mindi fi manam ni gëna kawé ci ñom afrané dañuy waccat pour jarim ñu mindi fi ñom Ibn Abbas Allahumma Zainu Abidin Sayyid Abdul Qadir Jilani Cheikh Ahmed Tidiane Abdelham etc ponkalu afrané yu mag ya maga maga mag wala ñoo al mudabbiruna lañ leen doon def parce que normalement afrané ñom comme ben genre xeer lañ rek manam dañ leen di sanni wala ñu leen manam ñom duñu def dara yalla moy jëfëndiko par rapport ak ñom moy def etc mais ñom ñoy ñi gëna mat ci ñom nak wala mais mat gog ñu gëna mat ci ñom bobu ci lan lay tek ngeen fokk ci seen njalbe tegg ni ñi samontel tout temps de qui etc après nak ñu delu ci wa ñoo ñom Seigne Touba ñoo no dérange etc wala ñom lool la ñom Seyd Hadj Malik dérange etc ñom nga xamné ñom cherif bi da nga xamné ginnaw biñu démé bu bok ci itlaq ki bu ki yépp ñu wacc waat leen adja redescent parce que té lolu ci bopom moy doon yent bi sallallahu alayhi wasallam à 100% ñom Seyd Al Baqili an Nazifi dérange ñom xar bébé voilà lolu légi nak muna wa mansha oha tassanu mbir momu nak liñ wax ni aslaani ñaari tassan la manam soso fi mu soso aslaani ñaari tassan la manam ñaari fondement la am ñaari pilier al aslu tassan al awwal bu ñeek bi huwa moy mushahadatu jakarlok al hadrat hadrat al quddisiyyah bi aji jigg day ci sel bi ayni ci but al iyani butum jeebir jakarlo alama ci kaw ni nga xamne hi mom non la nekk alahi ci kaw manam ni mu nekk deug deug manam ngay jakarlo xabar yalla bi exactement ni mu nekk lol benn pili bu am solo la parce que feek meunagul lolou mushahada bobu nga xamantene tout temps da ngay jakarlo mbiri ha a di contempler parce que lolou d'ailleurs tariqa bi non lañ comprendre xex ak jihadu nafs xex ak sa bakkan limi tek ci ñom haqiqatan moy nga mana réaliser xal bi tout temps ngay jakarlo hadar yalla bi exactement namu nek manam ngay jakarlo hadar yalla bu ngay am mushahara nek ci contemplation permanente perpétuelle motax ngay gis tarbiya bi ginnaw julli juromi ak sa werde ak yoy tarbiya bi mi ngi gëna consister surtout à salat fatihé tout temps parce que lolu mu ci ngay amé xal mushahara bok ci ngoy réaliser deng wal aslu tosan athani bay ñaarel ba moy mahabbatu zati manam mahabbatu sop gis nga lamul tosan fondement bu mag la al mahabba mahabbatu sop azat jum manam nek borom subhanahu wa ta'ala al muqaddas ba aji jig day ci sel nga xamne takul luñ koy dindi li zati ha ngir jëmmi bopam ngir limu doon la de li arab ñel ak gar xeyri ha bokut ak mom manam nga bëgg yalla bëgg ko ngir ni mom la manam amul leneen lutax nga bëgg yalla dara de amul leneen yalla dal moy yalla motax ma bëgg sopp na ko ngir lool ah Allah ha wal aslu tasan awwal bu ñëk bi nak wo moy alladhi bi nga xamne yaqaw ci la rata ali ci mom al aslu tasan athani yu ñaaral bi manam bu ñëk bi mom moy waral ñaaral wa illa bu lool amul fala dedit lool du xew manam ñaaral du mëna ne manam il faut kon nga réaliser ce qui veut dire que tout revient à ce que nga réaliser bu ñëk bi donc fexel lo nek ci lool voilà nekkal ci lool ok nekkal ci lool voilà bo ci nekké en fait moy dernière étape bien gis nañ ko moy dernière étape c'est à dire que nit ki à part lool lenn rek la mëna nekk moy yalla apa mais sino nit ki wala ko xam ngeen lool man tane comme moy comme ni ko cheikh tidiane wax radiyallahu manam liñuy wut li gëna mag moy lool moy fexé bob incarner touru yalla yi ak melom yi di jakarlo ak ñoo manam am taalluq bi moy attachement bi ba paré am tahaqquq bi incarnation lool soko amé ci touru yalla yi tout temps nga nek ci xal bob lool moy li gëna kawé liñuy wut ñoo té lool moy li gëna kawé lool wal yu mag ya mag mag ñoo koy am ce qui veut dire que yow woné ké ci lool té lool moy xalu té lool mom moy objectifu tariqa bi moy dila yobbu ci xalu mushahadatu bob denga bi ayni al-iyan gis nga bi ayni al-iyan ba mushahad hadar man ngay jakarlo mom pa ak rek né dang ko comprendre wala dang ko xalat wala dang ko yek mais ngay jakarlo mom avec un témoin oculaire ça veut dire avec l'œil avec une vision oculaire manam ngay dem ba jakarlo mom ni di ko gis voilà incarner ko lolou soko defé voilà lolou moy xal bi gëna tawé voilà lolou da nga nek abd sif jam bo xamné jamu kessé nga jamu yalla bu sel maqamu ubudiyyah bo mal mom moy wirasatun kamila lolou moy soko bolé ak waccab bi wa summa dana fata dalla fakana gis nga fakana qaba qawsayn aw adna maqama qaba gisone nagn ko no maqama qaba qawsayn aw adna bum amna bu ci waxe ni na ni nek ci yaqutul haqa'iq wa ci yaqutul haqa'iq bi wala exactement wala donc lol la donc manam yow waccu gogul lolou il faut nga meuna cumuler ñaar yépp manam en même temps yépp en même temps nek ci dayak kawé mais nek ci dayak waccu aussi d'ailleurs lolou mom moy fort afrad ki son gisoon nañ ko afrad lolou moy sen fort moy le fait que ñoo gëna kawé ñépp ils sont au-dessus de tout le monde de tout et de toute imagination mais lepp élévation exceptionnelle and ak lolou yépp ño gëna mëna intégrer société bi manam voilà c'est à dire que lolu ñu mëna dajale yent bi sallallahu alayhi wasallam non la met wala yent bi sallallahu alayhi wasallam nga gis ñuy xam lepp muy dund dans la société mais de manière parfaite and ak mo gëna kawé ñep gog moy lolu nak moy wira awliya muhammadi yuna yi non la ñu mel lolu mo sen marque moy wali muhammadi moy ko xamne day mëna voilà dund ñaari monde yépp en même temps mais sans que personne ne s'en doute ou s'en aperçoive non mais attention dafa am wala la lay wax sank dafa am ci awliya yi ño xamantene xam nga fi tollu ku melni sir al qadir jalal radhiyallahu cheikh mutijani radhiyallahu et cetera lolu ñom sin touba ño radhiyallahu ñom sir hadj mal ñom comme cheikh bi ni radiyallahu anhu ajma'in lolou lu way ñak xel te yëngatu ci walu l'islam ak ci walu tasawuf dina xam ni ay awliya wala ni ay wali yu le voilà non manam ni ñu mel manam c'est à dire que da ngay xam ki mom wali yu lama lan nga dul xam moy maqamam wala fu mu tollu ci yalla yoy nak dañuy rire parce que amuñu maqama ñom motax manam et que même buñu leen yobé ci ben maqama ça veut dire dinañ leen wacc yeneen maqama pour une raison x ou y mais ñoy parce que tamit ci ñom seen bir ñoy ñi gëna mat ci groupe bob mais attention maqama yoy ñu nga xamantene dañ koy taxawé ci zahir ni lag nit diko taxawé fekk yeggugul fofu fekk bokugul ci afrad wala fekk bokugul ci afrad mais que leen nak ñu watti war leen amna ci ñom ño xamantene moy li ci Seydou Abubakar Diallo mo delan doon expliquer ci gi wonon wala ni Seydou Abubakar jëri le ko jëlé wala la delan exactement c'est ça manam moy mais daf ci am ci ñom ño xamantene bu ñu yeggé fofu dañ leen di wacce wat am ñoo xamne duñ leen wacce dañ leen di bayyi fofu mais comme président de la république voilà comme président de la république ñi fa nek ñi amna ci ñoo xamantene dañ fay nek mais kenn du leen xam ils ne sont pas connus du peuple fa lañ nek nek ci service président kessé amul leneen président moy xol parfois ci service bu mu leen rendre ak yoy amuñu salaire aussi non plus caisse noire lañ am voilà amuñu responsabilité non plus hein voilà fa lañ nek nek ci yott président ñu gëna jégué président ñëpp ñu gëna voilà ñu gëna jégué président ñëpp mais kenn xamu leen kenn na xamu leen amuñu parce que amuñu poste amuñu rôle bu ñuy jouer ci société bi amul dara fa lañ né et cetera voilà mu am nak assemblée bo xamantene assemblée nationale wala gouvernementale bo xamantene mom ñoo ñu fa nek xam nañ leen dañ leena fal dañ leena ki ñi ngi jouer rôle sangam et cetera am ay responsabilité sen salaire ruine trop mais am nañ salaire yu ngand am ay yenn privilège yu bare bare et cetera mais dañ am ay responsabilité ñu leen di téré dañ leen di audité dañu am ki et cetera lolou moy exemple wa ahlu diwan yeneen walu yi nga xamantene même buñ bokul diwan amna ay rôle yu leen yalla jox ci aduna bi ñu war ko jouer ak yoy et que nit ñi dañ leen di xam souvent wala ñu bañ leen xam mais en tout cas boudé dañuy jouer rôle bi mom lañ leen jox et que li moy sen rôle moy sen ki ci aduna bi que ça soit ci monde zahir bi wala ci monde batin bi en tout cas amna ñu rôle yu ñuy jouer d'accord mais voilà c'est à dire que donc ñom ay xéet walu ñu xamanteni ni lañ mel li lañu dox maintenant daf ci am ci seen biir maintenant parfois aussi parfois am ño xamanteni ci présidence lañu né am caisse noire am amuñu salaire caisse noire lañ am amuñu ben responsabilité mais ñu jéki dal né bon yow gis nañ né rôle par exemple présidence de l'Assemblée nationale dal bëgg nañ fa tek kenn parce que gaay da ngay waru quoi amagul ko xamne ki nañ jo yow jël nañ la jël ñu parachuter ko manam legi ñu wacce ko fofu peuple bi do ko découvrir c'est à dire que fofu la ko peuple bi découvrir mais am dagaté wa diou fu ñu legi rek média ay bind mom présidence la nekkone def na fa nangami at nangam mais kenn xam ko mu dem jouer rôle président de l'Assemblée nationale entre temps de mandat waaw bon manam dañ ko fay wacce pour lolu manam mu am salaire be ba pare am caisse noire bam amone fele mais du jouer rôle président assemblée nationale ba heure mandat bi mu ki jot mu ne bon écoutez bon legui ñu ne ko bon legui na mën nga delu sa présidence nekat présidence ko ga wala ñoon ñoy ñom ñoon nak ñoy wa ahlul itlaq ñom président leen dëgg wala taf leen ci bopam jeexna amuñu leneen amuñu rôle buñu jouer amuñu maqama buñu nek amuñu xal buñu remplir amuñu dara ñom ils sont là amuñu salaire amuñu dara té sen salaire caisse noire la décision yi président di jël moy sen décision voilà c'est à dire que tay même assemblée nationale yeen décision yuñ fay jël bu len neexul mën nañ ni président bu jël décision bi ba assemblée li bu loi bi jall du jall c'est à dire que voilà et que ils ont une mainmise ci assemblée nationale am nañ mainmise ci gouvernement bi lu nara xew ci réew mi su len neexul dañuy wax tout simplement président loi ministre sangam bu mu jall loi bi et presque qui di ñukoy def ci député yi fofu bu mu jall et que du jall après tout simplement amul leneen manam kon ñoo voilà et que ñoo mais amuñu ben rôle bu ñu jouer kenn du la responsabiliser ci dara tay bu kawo amone sax fim tollu ñom ils sont responsables de rien ils sont juste des proches du président ay protéger au président bi ils sont au service du président diexna gisugo wala xadara yalla bi non la amna ñu mel non ñoo nak ñoy afraad yi motax afraad yi amuñu ki bobu amuñu rôle amuñu dara afraad en fait wala xam nañ lepp gis nañ lepp dañuy yek lepp amuñu seen xam xamu bop xam xamu yalla moy seen xam xam amuñu alal alalu yalla moy seen alal amuñu wala amuñu yalla moy liñuy gisé moy seen beut biñuy gisé moy seen xam xam tamit mom ñom yalla mo leen di utiliser ñuy yëngatu par yalla jeexna amul leneen ñoy ñoy frère ñoy wala mais nak ci ñoo leg leg ñu parachuter ci kenn mais ñi gëna mat ci ñom lañuy buñuy wacc ñi gëna mat ci ñom lañuy tan pour wacc leen ci bir minde fi ñuy jariñ nit ñi pour ñu jariñ nit ñi ouais affaire de chien wa ñom ko par exemple vient classe wala ñu am ñu nombre lan affaire non amuñu nombre fixe day changer solo jamono mais bari wuñu t'imagines que que le président ni ma la wax ni ñu mel non bari wuñ fa voilà voilà voilà amna ñu nek président di liguey nek comme tous les simples citoyens président la ñega mais c'est liguey mayu len ñu nek comme am salaire ministre par exemple parce que ñom ci bâtiment dañuy liguey et cetera comme mom day raxas nettoie tout temps les lieux wala ki bu ap ki la ñu tuddi moy cuisinier président wala yoy koku xam nga même bon j'imagine xawma ci dara mais j'imagine que salaire am wartu tolok salaire ministre voilà yoy voilà mais ñoo ñu waxuma ñoo ni tax may wax voilà voilà wala jardinier wala non voilà ñooñu sel salaire waru tolok salaire ministre wala bok bon bu ko tolo tamit epp ko eppul salaire ministre wala su ko oppé touti la koy oppé mais quand ta ñi nga xamantene ñom ñoy c'est vrai pour proche yoy nonu et cetera ci voilà ñooñu yenen lay en fait ñooñu ñoy ñooñu en réalité buñ né président décider na ñooñu ñoo décider ñoñu ñoo wax ñoñu ñoo def voilà way ñu sen nombre ah da né day varier selon jamono yi quoi mais ñaata lañu doon à peu près pour xayma non mais mënu ñu wax né nangam lañu doon mënu ñu wax né nangam lañu doon en tout cas ce qui est sûr après sen bir dañu rawante ñom tamit voilà mais là ce qui est sûr moy lolo tax ñi nek ci groupe bobu nonu kenn du len meuna situer lolo tax même ku len xam ni dina xam ni ki walu yu la mais meunu ko situer fenn voilà ni surtout boudé dañu waccat non suñu waccaté mom c'est grave parce que suñu waccaté c'est grave parce que nit ki dañ lay fogg ne xam na len fek xamu len suñu waccaté ba commence bay jari nit ñi ni de manière générale fofu c'est plus grave encore parce que dañuy kémané yeen kémané yo xamné di jari nit ñi nak aussi comme ni manam ci domaine yépp bu dé domaine xam xam sharia ñu ci jari nit ñi bu dé domaine haqiqa ñu ci jari nit ñi bu dé ci wal tariqa ñu ci jari nit ñi bu dé manam domaine yépp ñu ci jari nit ñi lolu mot ñom façon bobu ci lañuy fondre ci masse bi mais façon bobu lay ci lañuy fondre ci masse alors que amna ci ñeneen ñoo xamne ñom même lolu sax ñom dañuy nek rek ay jullu bi simple ni buñu absenté kenn du laaj ana diw kenn du len wëri et cetera te pourtant ñoo ñoo gëna kawé maqama ñepp ala waaw buñu togué fenn buñu nekké fenn kén du leen remarquer spécialement waaw buñu ñëwon tay ci bénn jotay ni buñu ñëwon fi ni wala ci gamu gi tay ñu organiser gamu ñu ñëw mais kén du leen remarquer spécialement parce que kén xamulé célébrou si wul mais nak day am ci ñoo ño xamné imaginer que comme ay ñoom Seigne Touba ñoon par exemple de l'âme par exemple remarquable on nak quand même malgré que niveau yoy la né mais remarquable on nak quand même parce que ñoy ñu parfait manam ñi gëna parfait ci ñom la ñu waccat di jari nit ñi et ci domaine sharia bi et ci domaine haqiqa bi et en même temps nek ci niveau bobu batay manam c'est à dire que ñoo ñu kon spécificité yi dafa grave manam bokul ak voilà bokut ak spécificité ou le commode de mort de voilà de manam mais kuko xamul mo meun nga bok ak mom jamono di nga xamni ki ku ki mané la ku ki mais doko meuna situer parce que bo fogué né ki xeyna ci wa di war la bok fekk bokul nga defé né ci ci ñi ki ki le bok manam ki dal nim baxé ni ak di san comme xam mom bu ruy bi ak ki ciel tém gi nangam nangam ki dal et puis lég nga gis ki mané yi ñew nekk ci ñom ak yoy mu san ko def ci da manam mu san ko def dara du ko ci fekk du wañi dara du wañi ben niveau parce que caisse noire la yo hada ataona ala naka la mu do ci tagu famnun aw am sik bi xere hisab suñu xewal nga ni ñom lo caisse noire la rek suñu xewal ya nga ni yep jëlal nga maye lula neex wala nga tey lula ci neex kenn bu régler dara sans règle amul règlement amul dara amul compte à rendre amul voilà nit ki bu len la bu gisé de defene khutbu la par exemple alors que khutbu bi mingi non ñom biñ khutbu men na nek nak possibilité nga bok ci ñom ba paré ñu waccé la été demal nga nek ci khutbu en attendant lool mën na nek mais souvent khutbu yi duñ bok fofu voilà nit ki manam lu mu imaginer ni ki walu bi ni la wara mel rek fekk du ko bokul fofu wala mënuñu ko mënuñu leen xam moy ci genre ñom gis nga ñom genre ñom Seyd Hadji Mang ñom Seyd Touba ñom comme ñom Cheikh Rif bi ni et cetera ñom non lañ mel kenn mënu leen soutier fenn fo mëna no mëna wax ni diw xana li la bo yeggé ci ki bi da ngay xam ni ci ëpp na di ki ëpp na li mako liñ ko yass kanal ni bu ko program voilà et que dañuy rire manam munu ñu leen xamé parce que lan motax parce que yalla mo leen téy ci ñom ñoo la yalla doon wax ci hadith qudsi bi awliya'i bi fana'i la ya'rifuhum ghayr wali sama wali moy ñoo ñu spécial ñoo ñu lay wax dañoo jeex tak ci man dañoo voilà et que kenn du leen xam ku dul man kenn du leen xam ku dul man manam kenn do xam deug deug ñoy kan mais sino di nga len meuna gis xamé len xam ko et que genre yoy tamit comme ñu mag ñoon ci ñom manam ay xéetu mafatihul kunuz la mais ñoo ñu bari wu ñoo il faut pas croire que da nga ci ab 10 wala 20 ci époque bi hein il faut pas croire non il faut pas croire lolu jamais non pour mon temps yegene ay 40 ah non il faut pas croire que di nga ci am 20 non boudé ñu spécial yu ba spécial ñoo nga xamanteni même diwan bi sax parce que diwan bi rek déjà dañu am 8 yu fa nek ci ñoom obligatoire wa ñoom di rek am 8 moy 4 ak yenn afrad ak yenen 4 yi nga xam ma fatéw ko lu sé afrad la voilà et que parfois ñi nga xamanteni ñoom ñoo nek fofu non ci ñoom et que duñu bok ci diwan bi parfois manam parfois dañu ñew bo lolo tax nga gis ma fatéw ko lu am bobu liberté bu len nexé ñew bu len nexé ba ñew ñom diwan salaxena amuñu fa ben ki su la nexé di ñew su la nexé du ñew voilà et que ça yu len nexé la exactement amul lenen voilà khutbu bi amul ben route ben triftif ci sen kaw mais mu am ci ci ñom ño xamantene même diwan bi sax buñ fa ne bokku ñu fa sax mais lay xew ci diwan bi xam nañ ko ñi ngi koy gis ñi ngi jakarlo mo té dara du fa xew lu len nexu parce que c'est nam c'est liñu bëgg moy li yalla bëgg amul lén amul luñ dul gis ci aduna bi amul aduna bi yépp la ko dalé bamuy tambalé ba kérok muy jéx dañuy jakarlo mom simultanément amul dara lu len di préoccuper par rapport ak lenen dañuy dégg lepp dañuy xam lepp voilà etc est-ce que mais lool boko bëggé bo bëggé bok ci ñooñu da ngay nek jam et que nga nek lenen do prétendre wala ngay wut ben spécificité loolul xana rek nek jam jeexna wutulo ben karama wuto ben jakle wuto ben may bu spécial wuto ben dede len rek nga bëgg bu nek jam yalla wuto lenen parce que ci lool rek ngay baña amé maqama parce que bo xese bay am maqama jeexna am woro am maqama do wut maqama amu maqama do taal amuko do amul dara en fait mom amul dara jam la bu amul ben spécificité ludul ne mom jamu yalla la et puis jamu yalla la jeexna voilà exactement voilà ci nono rek ngay meuna amé len mais ay dama bëgg doon li dama mo sañu am li lool rek bo xëssé wu dugg rek yañu teunk sa bop dedet wa man dal jam la bëgg doon jam na nek jam am buñu serf voilà abdun zalilun faqirun khashi'un wajilun zu jazain asifun yalla yalla jeex lool la du leen jam abdun zalilun bu doye di faqirun bu ñak khashion toroxlu tout temps ci kanam borom wajilun and ak jaxare ak tis ak jax ci kanamu yalla wajilun zu jazain and ak lompogn gu metté metti asifun yaakaram tass ci lepp ba ngess ci yalla wa li bo melé ni nga bok ci ñoo meluloo ni lenen lo fi wut da ngay tandal sa bop wutal yalla bo amé yalla am nga lepp wutal yalla kessé bo amé yalla kessé am nga lepp so amul yalla lenen lo am du dara ci karamu yalla wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين